Les serviteurs de Dieu doivent être libres d'obéir à Dieu. Si vous leur liez les mains, vous n'aurez qu'une église morte, prisonnière, qui vit selon la chair. Bonjour, les ministères en contact, en collaboration avec Radio Espoir, vous présentent l'enseignement biblique de Charles Stanley. Une des responsabilités du gouvernement d'un pays est de fournir l'équipement et les infrastructures nécessaires pour défendre la nation au cas où elle serait attaquée. Quand une personne s'enrôle dans l'armée, elle peut s'attendre à être vêtue, nourrie, logée et payée par le pays qu'elle sert. Ces avantages sont une compensation adéquate pour le temps et les talents qu'il investit pour défendre sa nation. La Bible nous enseigne à traiter les soldats de Dieu d'une manière semblable. Le plan de Dieu confère une responsabilité unique aux pasteurs, car ils ont répondu à l'appel de Dieu. Et en ce qui concerne le ministère, l'apôtre Paul exhorte l'Église locale à pourvoir aux besoins du pasteur. Voici Charles Stanley. L'apôtre Paul nous dit trois choses à propos du ministère dans sa première épître aux Corinthiens, chapitre 9. Ces trois choses s'appliquent à chacun d'entre nous à des degrés divers, et tout spécialement la troisième. Mais je veux quand même couvrir les deux premières choses avant d'arriver à la dernière. Paul utilise un mot que l'on devrait tous considérer comme un avertissement. Commençons par lire les trois premiers versets de 1 Corinthiens chapitre 9. « Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. » Rappelons un peu le contexte. On se souvient des problèmes éprouvés par l'Église de Corinthe. En fait, les membres étaient aux prises avec toutes les catégories de problèmes expérimentés par une Église. Vous pourriez toutes les nommer. Mais une des choses qui devait spécialement donner des maux de tête à Paul était la remise en question de son autorité. C'est presque inimaginable. Presque tous les membres de cette Église avaient été sauvés grâce à lui. Il leur avait enseigné, et à présent, les Corinthiens contestaient son apostolat. Paul commence donc sa plaidoirie de défense dans ses trois premiers versets. « Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas un apôtre? » Il avance deux arguments qui prouvent la réalité de son apostolat. Il mentionne premièrement qu'il a vu le Seigneur Jésus-Christ. Et où a-t-il vu Jésus? Sur la route de Damas. Revoici ces deux premiers versets. « Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, c'est-à-dire si certains le prétendent, je le suis au moins pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. » Il invoque donc ici deux raisons qui valident son apostolat. Premièrement, il a vu le Seigneur. Deuxièmement, il les prend eux-mêmes comme témoins. Regardez ce qui vous est arrivé, ce qui est arrivé dans votre vie depuis la fondation de l'Église de Corinthe. Ensuite, à partir du verset 4, il leur mentionne trois choses. Et bien qu'il leur parle spécifiquement de son ministère, nous pouvons dégager certains principes qui s'appliquent au ministère en général. Nous allons les examiner. Le premier principe concerne l'approvisionnement pour le ministère. Le deuxième, la pression dans l'exercice du ministère. Et le troisième, la discipline personnelle à l'intérieur du ministère. Ce que l'apôtre Paul mentionne en ce qui concerne l'approvisionnement pour le ministère s'applique aussi bien de nos jours qu'à son époque. Lisons 1 Corinthiens chapitre 9, les versets 4 et 5. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? Il demande à ses interlocuteurs si les serviteurs du Seigneur méritent que l'on prenne soin physiquement d'eux en leur fournissant à manger et à boire. Ensuite, au verset 5, n'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les autres apôtres, et le frère du Seigneur et Séphas? Il s'agit ici des demi-frères de Jésus, puisque Joseph n'était pas vraiment son père. Paul interroge les membres et leur demande si un serviteur du Seigneur a le droit de manger et de boire. Et si ce même serviteur sert le Seigneur afin d'apporter un support aux églises, ne revient-il pas à quelqu'un d'autre de pourvoir à ses besoins? L'apôtre Paul continue son argumentation et leur demande aussi si ses compagnons et lui ont le droit de se marier. Aussi, les églises ne devraient-elles pas pourvoir également aux besoins de l'épouse, tout comme elle le fait pour le missionnaire ou l'apôtre? Continuons notre lecture au verset 6 de 1 Corinthiens, chapitre 9. Ou bien, est-ce que moi seul et Barnabas, nous n'avons pas le droit de ne point travailler? Paul et Barnabas, en dehors du ministère, fabriquaient des tentes. Paul demande aux Corinthiens si Barnabas et lui sont les deux seuls à devoir gagner leur vie avec un travail séculier, en plus de servir le Seigneur comme le font les autres personnes mentionnées au verset 5. Je crois que le premier des trois principes se trouve ici. Il concerne l'approvisionnement pour les dépenses. Paul continue au verset 7, toujours d'1 Corinthiens, chapitre 9. Qui jamais est engagé dans une armée à ses propres frais? L'Église devrait donc s'occuper de cet aspect, et ensuite, qu'est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Qu'est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Le verset signifie que l'ouvrier devrait pouvoir profiter d'une partie de son labeur. Et ensuite, au verset 8 d'1 Corinthiens chapitre 9, « Ces choses que je dis n'existent-elles que dans les usages des hommes? La loi ne les dit-elle pas aussi? » Paul fait référence à un premier principe ici. Il explique aux membres de l'Église qu'un serviteur de Dieu devrait être approvisionné en compensation des dépenses qu'il encourt. De plus, il devrait avoir accès aux fruits de son labeur. Enfin, Paul soumet l'idée suivante. Il faut semer spirituellement pour récolter matériellement. Nous pensons habituellement à semer spirituellement pour récolter matériellement, mais le serviteur qui travaille pour le Seigneur sème ce qu'il reçoit de son maître et il en récolte matériellement les fruits. Paul prend soin de souligner qu'il n'improvise pas ses principes pour soutenir sa cause. Après avoir invoqué des usages humains dans les derniers versets, il s'appuie maintenant sur la loi de Dieu au verset 9. Car il est écrit dans la loi de Moïse, « Tu ne mucelleras point le bœuf quand il foule le grain. » Cette citation est tirée de l'Ancien Testament dans Deutéronome, chapitre 25, verset 4. Elle signifie que si un bœuf travaille à fouler le grain, il devrait avoir le privilège de pouvoir manger une partie de son labeur sans que l'on en empêche en lui imposant une muselière. Toujours le verset 9 précise, « Dieu se met-il en peine des bœufs ?» Paul soumet ici la proposition suivante. Si Dieu a inclus cette ordonnance dans sa loi, ce n'est pas tellement qu'il se souciait du traitement réservé aux bœufs, mais plutôt qu'il voulait nous aider à en retirer un principe spirituel à appliquer dans notre vie et notre service. Il élabore ensuite cette idée au verset 10. Ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance et celui qui foule le grain, foulé avec l'espérance, d'y avoir part. Et au verset 11, toujours du même chapitre, d'1 Corinthiens, chapitre 9. Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Paul met l'Église de Corinthe devant les faits. Il leur a donné une partie de sa vie. Il les a conduits à Christ. Il leur a enseigné la vérité de la parole de Dieu. Il les a édifiés et a fait d'eux des disciples. Verset 11. Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Il est vrai que Dieu nous bénit spirituellement quand nous semons avec des biens temporels pour contribuer à son œuvre. Mais ici, Paul fait référence à un serviteur de Dieu à temps plein qui sème spirituellement et est récompensé matériellement. Verset 12. Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ce droit, au contraire, nous souffrons tout, afin de ne pas créer d'obstacle à l'Évangile de Christ. Paul rappelle aux Corinthiens qu'ils soutiennent déjà financièrement d'autres serviteurs de Dieu. Mais Paul a refusé de profiter de cette offre pour ne pas créer d'obstacles à l'Évangile. Il veut éviter que les Corinthiens pensent qu'ils prêchent seulement pour être payés. Car certains peuvent même prétendre que, s'il n'est pas un apôtre authentique, il n'a pas à être rémunéré. Poursuivons notre lecture d'1 Corinthiens chapitre 9, verset 13. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? Paul parle ici des Lévites qui, dans l'ancienne alliance, avaient des responsabilités premières et secondaires et aussi des prêtres. Ils étaient approvisionnés à même les sacrifices du temple qu'ils manipulaient dans l'exercice de leurs fonctions. Les gens apportaient leurs animaux et d'autres biens pour qu'ils soient sacrifiés. Les officiants en brûlaient une partie et en gardaient une autre partie pour leur usage personnel. Paul appuie donc une partie de sa plaidoirie sur des exemples qui concernent le sens commun, comme les vignerons et les soldats. Il utilise également l'exemple des bœufs qui foulent le grain. Et finalement, il fait appel aux coutumes sacrées qui concernent l'approvisionnement des serviteurs de Dieu, en particulier des prêtres et des lévites. Il conclut cette partie en posant une question rhétorique. N'est-ce pas la loi? Les serviteurs qui œuvrent dans ces domaines ne doivent-ils pas, par principe, recevoir une compensation pour leurs efforts? En ce cas, les serviteurs de Dieu ne devraient-ils pas, à plus forte raison, jouir des mêmes privilèges? Verset 14 d'1 Corinthiens chapitre 9. De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. Cependant, il existe bien dans le monde des églises trop petites pour subvenir aux besoins de leurs pasteurs. Nous oublions souvent que ces pasteurs se voient dans l'obligation de rechercher un travail séculier, en plus d'assumer les responsabilités de leur pastorat pour gagner assez d'argent pour vivre. Il existe des églises de seulement 15, 20 ou 25 membres et d'autres plus grandes, mais dont les membres sont trop pauvres pour contribuer au salaire du pasteur. Dans ces conditions, le pasteur doit avoir un deuxième emploi pour prendre soin de sa famille, envoyer ses enfants à l'école, leur procurer les vêtements dont ils ont besoin et de la nourriture. Dans certains cas, le pasteur doit donc subvenir lui-même aux besoins de sa famille. Par exemple, dans le cas de nouvelles églises s'établissant dans une partie du monde qui ne connaît que peu ou pas du tout la parole de Dieu. Or, ce n'était pas le cas à Corinthe. Le problème provenait de l'inflexibilité de certains membres de cette église qui jugeaient Paul indigne d'être considéré comme un apôtre et qui le rejetaient. Ils n'aimaient pas la manière directe dont Paul présentait l'Évangile. C'était cette raison qui les poussait à agir ainsi à son endroit, car Paul pointait sans détour leur péché. La réaction des Corinthiens ne se faisait pas attendre. Ils se disaient « il ne devrait même pas être un apôtre ». Ce genre de situation s'est reproduite de nombreuses fois depuis l'époque de Paul, et elle se répète encore souvent aujourd'hui dans nos églises, 20 siècles plus tard. Lorsqu'un pasteur devient trop direct et qu'il emploie un ton trop tranchant au goût de certains, on commence à entendre ce genre de commentaires. Je pense que nous devrions avoir un pasteur avec un peu plus d'éducation ou quelqu'un qui pourrait faire ceci ou cela. Mais Paul affirme que les prédicateurs de l'Évangile devraient être approvisionnés selon leurs besoins pour pouvoir vivre de l'Évangile. Ce principe vient de Dieu. Il est conforme à sa volonté. Et je crois que Dieu honore une Église qui assume adéquatement ses responsabilités. Dans les 14 premiers versets, l'apôtre Paul expose un principe que les Corinthiens devraient suivre. Par la suite, il leur fait comprendre qu'il ne désire pas ce traitement pour lui-même. Il ne veut pas qu'on le pointe du doigt en disant « Paul, tu es indigne d'être un apôtre, tu ne prêches que pour l'argent, c'est tout ce qui t'intéresse, et pour cette raison nous refusons de t'écouter. » Paul préfère prévenir ce genre d'accusation. Il expose le principe et il dit aux membres de l'Église qu'ils devraient agir de cette manière, tout en leur faisant savoir qu'il n'acceptera rien d'eux. Cela étant, ils n'auront aucune excuse à alléguer devant le refus d'écouter l'Évangile. Dans les versets suivants, à partir du verset 15 jusqu'au verset 22, Paul continue sa défense et aborde également le sujet des pressions reliées à l'exercice de son ministère. Le premier sujet de ce passage concerne donc l'approvisionnement du ministère. Toute église et toute association devraient subvenir aux besoins de ceux qui consacrent leur vie à enseigner la parole de Dieu et à aider des gens à devenir disciples de Christ. Il nous entretient ensuite au sujet des pressions reliées au ministère, au verset 15 d'1 Corinthiens chapitre 9. « Pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits. Je n'insiste pas sur eux. Et ce n'est pas afin de les réclamer en ma faveur que j'écris ainsi, car j'aimerais mieux mourir que de me laisser enlever ce sujet de gloire. » Paul nous fait comprendre ici qu'il n'est pas engagé et qu'il n'est l'esclave de personne ici-bas. Il aimerait mieux mourir que de se laisser dominer par quelqu'un d'autre. Rien de pire ne peut arriver dans la vie d'un pasteur. Certaines églises fonctionnent de cette façon et cela attriste vraiment mon cœur. Ce genre de situation se répète parfois dans des contextes différents. Il arrive, malheureusement, que des hommes de Dieu, pas seulement des pasteurs, mais l'équipe pastorale au complet, se trouvent sous la coupe des membres d'un conseil d'église qui veulent absolument que les choses se passent comme ils l'entendent. Ils ont un besoin insatiable de tout contrôler. Et l'équipe pastorale devient par conséquent incapable d'exercer les dons que Dieu lui a donnés. Elle vit alors un véritable esclavage et elle n'est pas libre d'exécuter le travail de Dieu, de lui faire confiance, de croire en lui, de lui obéir, car elle a continuellement quelqu'un sur le dos pour lui dire « Désolé ». Les règlements de la Constitution de notre Église ne permettent pas cela. Nous ne pouvons pas vous accorder des fonds pour cette activité avant d'avoir voté à ce sujet. Or, après un certain temps, les règlements deviennent fortement enracinés dans une mentalité qui devient légaliste et s'apparente alors à celle des pharisiens. Ce genre d'attitude brime la croissance spirituelle. Pas étonnant que l'Église ne grandisse pas. Ne soyons pas surpris de voir une Église stagner si les gens deviennent plus préoccupés par les règlements que par l'amour. Ils ne cherchent plus à obéir à Dieu, à lui faire confiance, à communier avec lui, à attendre de grandes choses de sa part, ni même à faire croître l'Église. On doit accorder aux hommes de Dieu la liberté de lui obéir. Et si elle leur est accordée, Dieu bénira toute l'assemblée. Et je puis vous dire qu'il se trouve beaucoup de gens qui essaient de servir Dieu, les mains liées et les pieds enchaînés, tels des esclaves. Quelle absurdité alors de se demander pourquoi l'Église ne grandit pas et ne progresse pas dans sa relation avec le Seigneur. Elle n'est pas libre de le faire. On ne peut pas violer des principes de Dieu et s'attendre à une évolution positive. On récolte ce qu'on a semé, et personne ne peut rien y changer. Semez le mal, semez l'abus, semez le péché, et vous en subirez les conséquences. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit qu'il est reconnaissant et heureux de pouvoir se vanter à juste titre de n'être l'esclave d'aucun mortel. Poursuivons notre lecture au verset 16 d'1 Corinthiens chapitre 9. Si j'annonce l'Évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Paul veut ici nous faire comprendre qu'il ne pourrait en aucun temps se vanter d'annoncer l'Évangile. Car la nécessité m'en est imposée. Il ne veut pas dire qu'il ne veut pas le faire, mais qu'il doit nécessairement le faire. Il ressent à l'intérieur de lui-même une force irrésistible qui le pousse à accomplir cette œuvre. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Il sait qu'il ne pourrait pas se présenter devant Dieu s'il ne le faisait pas. Parfois, une personne vient me consulter pour une question de vocation. Elle me dit « Je crois que Dieu m'appelle au ministère à plein temps. Qu'en pensez-vous? » Je réponds à chaque fois « Si vous pouvez faire quelque chose d'autre, je vous encourage à faire cette chose. Mais si cette personne me répond en souriant « Je ne pourrais rien faire d'autre tout en continuant d'être en paix avec Dieu. » À ce moment seulement, je lui dis « Allez-y et que Dieu vous bénisse. » Car si Dieu nous pousse à agir en mettant au fond de nos cœurs un désir puissant et contraignant, nous ne trouverons aucune autre satisfaction dans la vie. C'est cette mystérieuse et dynamique incitation du Saint-Esprit qui nous oblige à annoncer l'Évangile. Nous ne pourrons pas trouver la paix et le bonheur si nous ignorons cet appel. Et c'est ce que l'apôtre Paul affirme. « J'y suis obligé. Je sens le fardeau et la pression de la part de Dieu. Et si certains d'entre vous, Corinthiens, s'objectent à mon apostolat, sachez que je dois le faire. Je dois annoncer l'Évangile. » Nous devrions tous ressentir, à des degrés divers, cet élan pour témoigner de notre foi en Jésus-Christ. Si nous connaissons la vérité de l'Évangile, comment pouvons-nous la garder pour nous? Que reste-t-il de votre élan à témoigner de la vie, cette vie qui transforme, qui peut faire la différence, qui peut arracher un homme aux griffes de l'enfer et l'envoyer au ciel pour vivre avec Dieu pour l'éternité? Ne ressentez-vous pas l'impérieux désir dans votre cœur d'annoncer l'Évangile? Vous savez, vous pouvez recevoir une bénédiction après l'autre, vous pouvez absorber une vérité après l'autre, ou un principe après l'autre, et ce, semaine après semaine. Vous les absorbez, vous les digérez, vous en profitez. Gloire à Dieu. Alléluia. Parfait. Or, vous ne faites que recevoir les bienfaits de Dieu sans jamais ressentir les douces incitations de l'Esprit de Dieu qui vous pousse à partager ces bénédictions avec quelqu'un d'autre. Toutefois, voulez-vous me faire croire que vous n'en ressentez jamais le besoin? Je me vois, hélas, dans l'obligation de vous dire d'examiner votre vie spirituelle, car il y a définitivement quelque chose qui ne tourne pas rond chez vous. Comment pourrions-nous éviter de proclamer l'Évangile alors que Paul affirme « La nécessité m'en est imposée, je dois le faire ». Vous demandez-vous comment je peux déclarer que Paul était obligé d'annoncer l'Évangile? Quelque chose en lui le poussait à le faire. Il risquait sa vie pour former des disciples. Il était prêt à annoncer l'Évangile à des gens qui voulaient le lapider, l'emprisonner ou le décapiter, car une force intérieure le poussait à agir. Je suis sidéré de constater à quel point les chrétiens peuvent demeurer tranquilles à une époque où la parole de Dieu devrait être proclamée sur tous les toits. Or, nous préférons rester confortablement assis dans nos foyers, comme si nous avions honte de parler de Jésus. Comment puis-je rester aussi tranquille? Comment puis-je demeurer là, sans bouger, en sachant autant de choses? Comment puis-je être heureux au milieu de tous ces gens qui souffrent terriblement? Comment puis-je me complaire dans mon salut lorsqu'ils sont perdus? Dieu s'est révélé à nous par pure grâce, sans aucun mérite de notre part, mais il y a tant de gens qui ignorent ce détail. Ils ne connaissent rien de la grâce de Dieu. Aussi, comment pouvons-nous rester aussi froids? Paul était poussé à témoigner de son Sauveur. Malheur à moi! Si je ne le fais pas, aurions-nous besoin de ce genre de malheur? Nous devons comprendre où se situent nos responsabilités et nos obligations. L'apôtre Paul poursuit au verset 17 d'1 Corinthiens chapitre 9. « Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense, mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. » Remarquez l'importance de l'attitude aux yeux de Dieu. Si Paul le fait de bon cœur, il en reçoit la récompense. Mais s'il le fait malgré lui, il fait simplement valoir son point. Nul doute possible, Paul connaissait les responsabilités et les obligations qui lui incombaient. Elles lui étaient confiées par le Dieu Tout-Puissant. S'il n'accomplissait pas cette tâche, malheur à lui. Je dois maintenant vous poser une question. Le grand mandat a-t-il été seulement confié aux apôtres? Écoutez-moi, je vous en prie. Si vous restez assis et que vous laissez Satan vous donner 5 raisons de ne pas l'exécuter, vous écoutez la mauvaise personne. Dieu n'a jamais admis qu'on invoque des excuses en ce qui concerne notre manquement à témoigner de notre foi. Si tel est le cas, d'où proviennent ces excuses? Elles proviennent du diable. Et si nous écoutons ce qu'il nous dit, nous nous laissons influencer par lui. Nous négligeons nos responsabilités, nos obligations et nous ignorons les douces incitations de l'Esprit de Dieu. Or, si vous pouvez vivre sans incitation, sans sentiment et sans être poussé à témoigner de la grâce de Dieu, remettez-vous en question. Manifestement, il y a un problème. Je tiens à vous demander, que vous sentez-vous obligé de faire semaine après semaine? Que vous sentez-vous obligé de faire la semaine prochaine? Gagner plus d'argent? Il n'y a rien de mal à cela, à condition que vous gardiez vos priorités en vue. Mais votre désir de gagner plus d'argent, de faire progresser votre entreprise ou toute autre chose, est-il plus fort que votre désir de faire connaître Jésus-Christ et de conduire à lui une personne? Votre appétit pour ces choses que j'ai mentionnées plus tôt est-il à ce point exigeant que Jésus-Christ ne fait même plus partie de vos plans? N'essayez pas de blâmer qui que ce soit. Comment pouvez-vous être satisfait quand vous savez exactement ce que vous devriez faire et que vous ne le faites pas? Vous ne témoignez à personne de Jésus-Christ. Cette preuve vous aidera-t-elle à admettre que quelque chose ne va pas? Priez, demandez au Seigneur qu'il vienne éclairer votre cœur afin que vous lui donniez la place qui lui revient, c'est-à-dire la première. La peur d'être mal reçu ou ridiculisé refroidit-elle notre témoignage? Pourtant, si quelqu'un avait de bonnes raisons de se tenir tranquille et de n'en souffler mot à personne, c'était bien Paul. Il a été tour à tour lapidé et laissé pour mort à Lystra, enchaîné au fond d'un cachot à Philippe, battu, naufragé, emprisonné et pour couronner le tout, chassé un peu partout, comme le rapporte le livre des Actes. Partout où il va, certains Juifs intolérants sont à ses trousses. Ces derniers arriveront dans cette ville peu de temps après lui, ou alors ils y auront précédé et auront averti les gens de ne pas l'écouter. Partout où Paul allait, ces Juifs étaient là pour le décourager, mais Paul persistait. Dieu a appelé le pasteur à diriger l'église locale et à lui enseigner. Mais Charles Stanley nous a rappelé qu'il n'incombe pas au pasteur de faire tout le travail. Chaque membre du corps de Christ a son rôle à jouer dans le ministère. C'est notre responsabilité de témoigner de la vérité que nous possédons. Comment vous acquittez-vous de cette obligation? Ce que vous venez d'entendre vous intéresse? Vous voulez en savoir plus? Vous voulez voir comment des gens comme vous et moi ont vu leur vie transformée par Jésus-Christ tout en dégustant un délicieux déjeuner gratuit? Les Déjeuners de l'Espoir sont offerts à la grandeur du Québec. Contactez-nous au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647 ou visitez notre site Internet au www.espoir.ca. Touchant le monde avec notre passion pour Dieu et notre compassion pour les gens, l'enseignement de Charles Stanley est une présentation de Ministère en Contact et une production de Radio Espoir.